une nouvelle monnaie. Bien que M. Doumer éprouve une vive répugnance à parler de son métier pendant les repas, il voulut bien cependant, parce que c'était moi, répondre à ma question. « Pourquoi, mon cher ministre, lui avais-je demandé, cette obstination des finances à ne point admettre l'emploi du nickel dans la fabrication des pièces divisionnaires ?»« Mon Dieu !» fit M. Doumer en reprenant des tripes. « Je vous dirai que j'ignore les raisons de mes prédécesseurs. Quant à moi, ma posture en la question est bien simple. Non seulement je n'adopte pas le nickel, mais encore, je suis disposé à supprimer l'or, l'argent et le cuivre. Allons donc ! C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. » Et par quels autres métaux remplacerez-vous cela? Par aucun métal. Toutes les pièces, depuis celles de 100 francs jusqu'à celles de 1 centime, seront en celluloïde. En celluloïde? Parfaitement. Mais vous n'y pensez pas, ma vieille excellence. Le celluloïde est une matière sans valeur intrinsèque. Et le papier, jeune homme, a-t-il une valeur intrinsèque? Pardon? Essayez de déchirer un paquet de billets de 1 000 francs en petits morceaux et de vendre les débris à un chiffonnier. Vous verrez ce qu'il vous en donnera de votre intrinsèque. Mais ça n'est pas la même chose. Fondez en un seul lingot 10 francs de sous et vendez-les à un marchand. Vous en trouverez 1 franc, à peine. Oui, mais... Et l'argent, donc? L'argent, oui, je sais. Et l'or? Croyez-vous que si on trouve en Afrique ou en Australie seulement le quart de tout ce qu'on annonce dans les prospectus, la valeur de l'or ne va pas terriblement baisser? Voyez-vous d'ici l'or à 100 sous la livre? Il n'y avait rien à répliquer. M. Doumer était dans le vrai. Avec une obligeance infinie et une urbanité dont je tiens à le remercier ici, publiquement, au nom des lettres françaises, notre sympathique ministre me développa le nouveau système qui allait permettre à la France de reprendre enfin son rang à la tête des nations. Une objection me vint que je croyais définitive. Le celluloïde, cher ami, n'est-il point bien inflammable pour un tel emploi? Celui de l'industrie, oui, mais le nôtre sera rigoureusement incombustible. Vous avez trouvé un truc? Oh, un truc bien simple. Nous le ferons fabriquer par la régie. Comment on fait les bonnes maisons? Après avoir longtemps fait la sourde oreille, l'administration municipale de Chatouilly se décida enfin à écouter les injonctions de la nommée Vox Populi et du sieur Consensus Omnium. L'opinion publique était, en cette occurrence, représentée par les boulangers, les bouchers et les limonadiers de Chatouilly, auxquels venait s'ajoindre la totalité des bonnes du pays et un lot important de jeunes femmes incomprises ou simplement tendres. Il s'agissait, j'aurais dû commencer par là, de la création d'une garnison et de la construction, naturellement, d'une caserne ad hoc. Grosse affaire, mes amis, et qui n'alla pas toute seule. Quelques propriétaires et rentiers, amis de la tranquillité, protestaient dans l'ombre, au nom, ah, Béranger, des bonnes mœurs. Au dire de cet Tartuffe, la vertu des filles et des femmes de Chatouilly ne serait qu'une insignifiante bouchée pour les appétits génésiques des attendus lignards. Des mères de famille tressaillirent d'épouvante. Des maris virent en leurs songes se démesurer d'inéluctables cornes, des cornes d'abondance, espérèrent quelques autres à tendance sous-marine. À force d'être partout chuchotée, cette question de mœurs, un beau soir, éclata en plein conseil municipal. Un édile qui, en sa qualité de rude capitaine en retraite, savait mal farder la vérité, s'écria « Il va venir un régiment ici, c'est entendu. Il sera admirablement reçu par la population, c'est entendu. Il trouvera à manger et à boire, c'est entendu. Mais, tonnerre de sort, je me demande où il trouvera à aimer. » À cette sortie, le conseil municipal tout entier se mit à rire d'une main, tandis que de l'autre, il se voilait la face. Le vieil homme d'armes, brandissant sa compétence et projetant sur la question une brutale lumière, insista longuement et déplorablement. Pour en finir, le maire fit se constituer l'assemblée municipale en comité secret, et le reste de la discussion se perdit dans le mystère et l'ombre. Tout ce qu'on put savoir, c'est qu'une commission de 3 membres avait été nommée dans un but des plus délicats. On vit ces trois messieurs se promener fréquemment dans les rues écartées de Chatouilly, en gens qui chercheraient, comme qui dirait, une maison à louer. Et puis, ces trois messieurs parurent avoir trouvé leur affaire. On les aperçut à plusieurs reprises en grande discussion avec un Auvergnat, marchand de ferraille et cabaretier. Un de ces Auvergnats dont la totale inconscience amène une fatale réussite dans les multiples affaires qu'ils entreprennent. À la suite de ces conciliabules, le sieur Chamonanque, l'arverne susdit, fit l'acquisition d'une vieille maison proche de son cabaret au bout de la ville. Des ouvriers travaillèrent fébrilement à remettre en état l'antique immeuble, à le garnir de belles persiennes vertes et surtout à peindre sur sa devanture un fort spacieux numéro qu'il eût fallu être bien distrait pour ne point remarquer. Tout fier, Chamonanque alla trouver le chef de la municipalité. « Je suis prêt, monsieur le maire. »« Vous êtes bien pressé. Le régiment n'arrive que dans 8 jours. »« Peu importe. J'ouvrirai ce soir, quand ça ne serait que pour me mettre au courant. »« Les personnes sont arrivées ?»« Oh non. Je compte commencer modestement avec ma femme et ma bonne. » Les dimanches, il y a ma belle-sœur qui ne refusera pas de nous donner un coup de main. Le Captain Cap et la Défense nationale. Le premier être humain que j'aperçus en sortant de la gare fut mon vieil ami, le Captain Cap, qui remontait d'un pas songeur la rue d'Amsterdam. En vue de cette occurrence, la main de Dieu eut, jadis, la précaution de placer à cet endroit l'Irish Bar de notre vieux Austin. Et puis, il faisait si chaud depuis le buffet de Cerchini, ma dernière étape. Nous entrâmes. 8 mois déjà passés que je n'avais vu le capitaine. 8 mois. La bonne rencontre. Et quel parfum fleurait le Oldest Tom Gin de ce frais petit bar. « Donnez-moi votre main, Cap, que je la serre encore. Et aussi la vôtre, vieux lâcheur. Ne m'accusez pas, Cap. Oui, je sais. » Le capitaine avait tant de choses à me conter qu'il ne savait par où débuter. Je vins à son secours. « D'où arrivez-vous, Cap, en ce costume de voyage ?»« Des grandes manœuvres de l'Est. » »« C'était beau ?»« Oh, je n'ai pas eu le temps de regarder les troupes. J'avais d'autres chiens à fouetter. » « Je vois avec plaisir, mon cher Cap, que vous n'avez pas changé. Car il n'y a que vous au monde, et quelques aveugles, pour aller aux grandes manœuvres, sans jeter un coup d'œil sur les militaires. Je ne fus en contact qu'avec les généralissimes, Zurlinden, Félix Faure et Dragomirov. Vous avez de jolies relations, Cap. Dites plutôt que ces messieurs furent des plus honorés de me connaître. Ont-ils au moins su vous apprécier ? Il le fallut bien. » Mon invention étant de celle qui s'impose à l'admiration des plus grosses légumes. Votre invention, capitaine ? Mon invention, oui. Ah ! Ah ! Ce « ah » cachait de ma part une intolérable démangeaison de connaître la nouvelle idée de mon prodigieux ami. Mais lui se cavernait dans l'inexorable cloître du mutisme. « Voyons, Cap, soyez gentil !» Dites-moi quelques mots de votre invention. Impossible. Indiquez-moi seulement de quoi il s'agit. Impossible. Impossible. Ce serait compromettre la défense nationale. La défense nationale ? Le salut de la patrie ? C'est vous qui venez me parler de ces sornettes ? Vous, Cap, l'apôtre de l'anti-européanisme ? Le salut de la France m'intéresse autant qu'une partie de poker dice. Et j'aime beaucoup le poker dice. Je me levai, tendis la main à Cap et, d'une voix consternée, « Au revoir, dis-je, ou plutôt, adieu, Cap. »« Adieu ? Pourquoi adieu ? » ?»« Parce que je veux plus ne jamais revoir un ami dont je perdis la confiance. »« Allons, asseyez-vous, grand enfant, je vais tout vous dire. »« Mais jurez-moi que pas une de mes paroles ne sortira d'ici. »« Je le jure !» Mon idée, comme toutes les idées géniales, est d'une simplicité vertigineuse. Elle consiste à remplacer, pour le transport des dépêches, les pigeons par des poissons. Des poissons volants ? Non, des poissons qui nagent tout bêtement, comme tous les poissons. Mieux que le pigeon, qui, comme son nom l'indique, est un imbécile, le poisson est éminemment éducable. De plus, il est d'une discrétion parfaite. Avez-vous jamais entendu un poisson faire des ragots sur son prochain ? Jamais, Cap. Le poisson était donc tout indiqué pour jouer un rôle important de messager militaire. Il porte les dépêches d'un général à un autre aussi fidèlement, plus sûrement et plus vite que n'importe quel idiot de pigeon. Et dire que personne n'a pensé à cela. Les gens sont si bêtes. Vos essais aux manœuvres de l'Est ont réussi ? Pleinement. Mon équipe de poissons voyageurs a rendu les plus grands services associés. Félix Faure n'en revenait pas. Et Dragomirov, qu'est-ce qu'il a dit ? Dragomirov était furieux. Il prétend que de faire porter des dépêches aux poissons, ça leur abîme le caviar. Le soi-disant bolide de Madrid. Grave révélation. Le lundi 10 février 1896, vers 10h30 du matin, par un ciel pur et bleu, où le soleil brillait ainsi qu'au plus beau printemps, une formidable explosion se produisit en l'air, au-dessus de Madrid, jetant la terreur parmi les habitants. Il était exactement 9h29 quand eut lieu ce phénomène. Une lueur fulgurante illumina brusquement le ciel, tandis qu'une formidable détonation, bien supérieure au plus effroyable coup de tonnerre, retentissait presque aussitôt. Les vitres des maisons volèrent en éclats. Je pourrais continuer ce récit en détaillant les dégâts matériels, de beaux dégâts bien entendu, puisque la scène se passe en Espagne, en insistant sur l'affolement de la population, etc., etc. Je préfère arriver tout de suite à l'explication de ce phénomène, lequel, n'en déplaise à ces messieurs de l'observatoire, n'a rien de météorologique. Tout le monde, jusqu'à ce jour, a cru à un bolide. Erreur. D'une conversation que nous venons d'avoir avec M. Ollier, le sympathique consul de la Havane au Vésinet, il résulte l'explication suivante. Pour peu, cher lecteur, que vous lisiez assidûment les journaux, vous avez dû vous apercevoir que Cuba est, depuis quelque temps, en guerre avec l'Espagne, sa vieille métropole. Contrairement à leurs voisins, les Portugais, qui sont toujours gais, les Espagnols sont toujours gnolls, surtout quand il s'agit de questions coloniales. Cette monstrueuse expédition de Cuba est en train de leur coûter beaucoup d'or, beaucoup de sang, sans compter beaucoup de boue, comme dit Drummond. Dès que viendra la saison des pluies. Les Cubains ont la prétention de vivre libre dans leur pays libre. Quand un peuple s'est mis bien en tête ce très naturel, en somme, programme, rien au monde ne saurait se mettre en travers de la réussite. Sans pouvoir favoriser ostensiblement le mouvement cubain, les États-Unis ne négligent rien pour en assurer le proche succès. Doctrine de Munro. L'ingénieur Blacksmith, un savant auprès duquel Edison n'est qu'un pâle enfant, a reçu de M. Cleveland la mission d'organiser scientifiquement et secrètement la déconfiture espagnole. Pendant que les patriotes cubains se battent, et bellement, pour leur liberté, une équipe de hardis américains va attaquer les Espagnols chez eux. L'ingénieur Blacksmith a construit pour la circonstance un curieux appareil catastrophophore qui tient à la fois de la torpille, de l'obus et de l'aérostat. D'un navire, mouillé au large, il peut lancer son engin à l'endroit de terre qu'il désire et le faire éclater à l'instant voulu. Le soi-disant « bolide » du 10 février n'était autre qu'un essai du procédé Blacksmith. Cette tentative ayant parfaitement réussi, l'inventeur américain est retourné dans ses vastes usines de l'Illinois pour y activer la fabrication de ce matériel guerrier. Il compte être de retour sur les côtes d'Espagne dans les premiers jours de mars. Si rien ne s'oppose à la bonne marche des opérations, Madrid devra être complètement détruit le dimanche 15 mars, à midi précis. Les madrilènes qui désireraient accomplir leurs devoirs religieux devront donc assister ce jour-là aux offices de la veille. Un garçon sensible. Oh, mon pauvre monsieur, me répondit mon ancienne concierge, à laquelle je demandais ce que devenait son fils. C'est un garçon qui me donnera bien du tourment, allez. Des natures impressionnables comme lui, ha, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse dans l'existence? Tout petit, déjà, il était si sensible qu'on n'osait rien dire et rien faire devant lui. Au moment où on s'y attendait le moins, il éclatait en sanglots. Croiriez-vous, par exemple, qu'il ne voulait jamais manger de la crème fouettée? Et il l'adorait, pourtant. « Pourquoi qu'on la fouette, la crème ?» disait le pauvre enfant, « puisqu'elle n'a pas été méchante. » C'est comme pour le riz. Il l'adorait aussi. Un jour, j'étais à la cuisine, en train de lui préparer son plat favori. Tout d'un coup, il me demande « Qu'est-ce que tu fais, maman ?»« Tu vois, je fais crever mon riz. » Voilà mon enfant qui se met à pousser des cris, à pleurer, à s'accrocher à mon tablier. « Je t'en prie, maman, je t'en prie, ne le fais pas crever, ce pauvre riz. J'aime mieux ne pas en manger. » Et de tout, c'était la même chose. Du reste, vous l'avez connu, vous savez ce qu'il en est. Depuis votre départ de la maison, on a essayé de le mettre en apprentissage dans différentes industries. Il n'a pu rester dans aucune. D'abord, M. Henri Mercier, notre locataire du deuxième, a bien voulu le prendre avec lui dans sa grande manufacture de serrurerie. Le soir même de son entrée, mon garçon est rentré, ses pauvres yeux tout rougis d'avoir pleuré. « Non, maman, disait-il, non, maman, je ne pourrai jamais m'habituer à faire tant de peine aux serrures. » Oh, quelques jours après, il entrait dans une fabrique de poires tapées à Levallois-Perret. Il fit tous ses efforts pour y rester le plus longtemps possible, mais au bout de 8 jours, il me revint, bien décidé à ne pas y remettre les pieds. « Ça a beau être des poires, ça n'est pas une raison pour les taper comme ça. C'est ignoble et ça me dégoûte. » Après, ce fut le tour de l'usine frigorifique d'Auteuil où il trouva une petite place grâce à la recommandation de M. Maurice Bertrand, notre locataire du rez-de-chaussée. Oh, là, ça ne traîna pas. Il resta à peine 2 heures et revint à la maison avec un gros chagrin et une indignation plus forte encore. Quelle infamie! Quelle lâcheté de frapper toutes ces pauvres carafes sans défense! Et il parlait d'organiser une société protectrice des carafes, dont chaque membre aurait droit de dresser procès verbal aux personnes brutales qui s'oublient jusqu'à les frapper. Oh, au bout de quelque temps, il eut la chance d'entrer comme commis à la banque Raoul Ponchon. Là, ça commençait à aller pas trop mal, quand son patron eut, un jour, le malheur de lui dire « Voici un petit travail qu'il s'agirait d'exécuter le plus vite possible. » « Mon fils devient blanc comme un linge et sort de la banque en disant « Je ne suis pas un bourreau, monsieur Ponchon !» Sa dernière place, c'était dans la grande maison d'électricité Charles Lahonce, où l'avait présenté monsieur Vanderem, le grand romancier, vous savez bien, notre locataire du premier. C'est une maison qui fournit à domicile des piles électriques pour actionner de faibles moteurs à l'usage de petits industriels. Mon fils ne travaillait pas dans les ateliers, il était attaché à l'administration. Malgré toute sa bonne volonté, il ne put rester dans cette maison que 8 jours. Comme il me l'expliquait très bien, « Comment veux-tu qu'avec ma nature si douce, si sensible, si peu batailleuse, je passe toutes mes journées à administrer des piles ?» Bref, le voilà encore sans place. Pauvre garçon. Un tempérament comme ça, c'est une vraie maladie. Le soir, comme ça, vers 5 ou 6 heures, une tristesse terrible le prend. « Qu'est-ce que tu as ?» que je lui fais. « Voilà la nuit qui tombe, » me répond-il, pourvu qu'elle ne se casse rien. Pauvre nuit. Oh, encore hier, un de ses camarades est venu l'inviter à une petite fête qu'il organise pour pendre la crémaillère. Mon fils a refusé avec horreur. Pendre une crémaillère qui n'a rien fait. Ce spectacle était au-dessus de ses forces. Oh oui, mon cher monsieur, on peut le dire. Pauvre garçon. Fort ému de ce récit, et pour arracher le jeune homme à la vie de Paris, plus cruel que tout autre, je priai un oncle que je possède à Thouars, Loir-et-Cher, de le prendre comme secrétaire. Très brave homme, cet oncle n'a qu'un défaut. C'est de se laisser chambrer par sa gouvernante, la fille Azuta, Laure, une grande bringue noiraude et effrontée, très capable de se faire coucher, avec toute la couverture pour elle, sur le testament de mon vieux parent. Et nous nous y attendons si bien à cette captation que, dans la famille, nous appelons cet héritage l'héritage aléatoire. Mon oncle est le type de ces vieux savants de province qui, lentement, mais sûrement, apportent leur modeste contribution à la science et qui font plus pour le bonheur de l'humanité que bien des commandants de recrutement dont je pourrais citer les noms. Auteur de plusieurs opuscules parus chez Gauthier Villard, notamment d'un essai de logologie, d'un petit traité de graphographie, d'éléments de métrométrie, mon oncle est surtout connu du monde savant par ses bien personnels travaux technotechniques. Je mis ce brave homme au courant de la situation matérielle et morale du fils de mon ancienne concierge. Il en ressentit une vive pitié et prit avec lui tous les ménagements possibles. Le pauvre garçon eut bien à souffrir au spectacle des travaux rustiques. C'était le moment où d'impitoyables faucheurs coupaient le blé, l'orge, l'avoine. Pauvre blé, pauvre orge, pauvre avoine. Et puis ensuite, ce fut le grain qu'on battit. Pauvre grain. Le bruit de la machine à battre indisposait tellement l'âme de notre ami qu'il fuyait pour ne pas l'entendre au fond des bois. Dans la maison de mon oncle, il ne souffrit pas moins. La gouvernante, cette personne dont j'ai parlé plus haut, la fille Azuta, Laure, est affligée d'une manie respectable en soi, mais ridicule dès que poussée à l'excès. L'horreur de ces myriades de petites maculatures spéciales qu'on est bien forcé, si parfaitement élevé qu'on soit, d'appeler des chiures de mouche. « Encore une chiure de mouche !» s'écriait fréquemment la mégère. Et vite, elle dressait de terribles appareils de mort pour détruire les pauvres petits êtres ailés et bourdonnants. Dans toute la maison, ce n'était que papier tue-mouche, que carafe à noyade, que fil attrape-mouche, etc., etc. « Pauvre mouche !» sanglotait mon protégé. Et chaque fois qu'il rencontrait un de ces meurtriers engins, il le jetait dehors. D'où fureur de la gouvernante et luttes homériques entre la destruction et la pitié. Ce fut cette dernière qui eut le dessus. Le fils de mon ancienne concierge, sentant que si les mouches ne se livraient plus à leurs petites incongruités, on les laisserait tranquilles, eut une de ces idées que seule fournit la bonté, égale au génie. Il confectionna de petites boulettes avec un mélange de bismuth et de miel de Narbonne. Les mouches s'en régalèrent et contractèrent aussitôt une constipation opiniâtre qui fut leur salut.